c'est pour vous les mecs. Juste pour vous. Ouais, on pense toujours à vous. Toujours. Tout le temps. Tous les jours. Cyril Abena. Ouais. Roland Kingé. Les grands femmes. Je vais grandir ta fille, je vais grandir la mienne. On va pas croire que ce tatouage c'est pour frimer, mec. Hein? Non. On n'oublie rien. Un bisou à ta famille. Un bisou à vos familles. Ceux qui ont mal comme on a mal. Ceux qui partagent la même rage que nous et qui peuvent rien y faire. La même peine, la même tristesse. Quoi de neuf, frérot? Comment ça marche pour toi? T'es parti sans qu'on sache pourquoi, mais t'es toujours là. J'irai plus au cimetière, j'ai trop pleuré, moi qui suis si fier. J'ai donc décidé de rédiger mes prières. Que Dieu te bénisse, personne ne renaît comme le phénix. Y'a plus que descendre, et l'autre, j'aurais voulu le descendre. Je sais que le fait de le voir mourir m'empêcherait pas de souffrir, mais j'aimerais te voir sourire ailleurs que dans mes rares souvenirs. J'arrive pas à l'oublier, mon sauce me manque. Roland, ton gosse te demande, et quand j'y pense, je me dis qu'il faut que je te venge. Je vois la mort te prendre dans ses bras, et ma prose te chante en espérant que le ciel ait la force de me rendre. Cyril qui m'était cher, les hommes apportent le sang. Maintenant, il n'est que poussière, et je n'ai que mon rap pour prière. Mes rimes pour cimetière, c'est ma façon de me recueillir. Je me dis que je suis heureux de vivre, même si je dois retenir mes larmes. J'ai pas pu voir grandir ta fille. Je dois élever la mienne, et Dieu sait que t'aurais fait la même si t'avais pu. Mais la rue est meurtrière. On n'a jamais su si demain serait meilleur qu'hier pour un jeune qu'hier. Brûle un cierge en ton nom, c'est Y et Riel. La mort elle réelle, et ton meurtrier est-ce qu'il regrette? Est-ce qu'il gratte des poèmes pour les siens à qui on a pris cette vie? Est-ce qu'il lui arrive d'être triste? Il sait que ta famille déprime. T'es parti et je crie car la douleur est si grosse que j'en pleure comme un gosse. Des fois quand je reste assis et que je prie ou que je te parle dans mes rêves, c'est pas facile d'écrire quand je revois le cercueil qui crame dans les braises. Bientôt 3 ans que t'es absent, mais je porte encore le deuil. Avec un photomaton dans mon portefeuille, Roland. Des fois j'ai des flashbacks du carnage, l'envie d'une vengeance barbare. Quand la rage me prend, c'est ça que je ressens. Faut pas que je flanche, mais mon lascar me manque. Je fixe ma page blanche et verse des larmes d'encre à chaque fois que je pense à Cynthia, à Lindjewel et Kija. Ce qui est sûr, c'est que certaines blessures ne cicatrisent pas. Je revois tes parents et leur détresse. La mort est devenue ta maîtresse. Les tatouages sur mon bras en est la trace, la presse. D'après ce que va parler ton décès, à croire qu'on mange de la violence tous les jours et que la mort c'est le dessert. Mais moi j'ai opté, je déserte. J'ai plus la force de me taire. Il faut que ton bourreau sache comme je le hais. Je marche sur la corde raide. J'ai trop de potes qui sont allés voir Jésus. À croire que la mort a un corps.